Selon des informations, les organisations sud-coréennes comme la Direction de la lutte de mobilisation générale des masses populaires ont livré toutes à la fois le vide-courant, la lutte pour liquider des abus sociaux à Séoul, Daejeon, Busan, Daegu, Jeju et dans les provinces du Gangwon de Corée du Sud, du Chungcheong du Nord et du Gyeongsang du Sud. Dans cette lutte menée dans le cadre de la grève générale de masse commencée à la fin de juin dernier, les orateurs ont déploré que les conditions de vie et de travail des masses populaires restent inchangées malgré la destitution de Park Geun-hye et l'avènement du nouveau pouvoir.